Direct 18 mars 2023. Donc, bon, j'espère qu'il y a du son. Je vais attendre un petit peu. Donc, bon, voyez, là, il se passe pas mal de choses, mais bon. Ah bon, hey, l'oiseau moqueur, bon, il y a du son. Bon, c'est OK. Bon, parfait. Bon matin. Comment? Jean-Paul, bonjour. Camille, bon matin. Ah bon. Médusa, Carole, OK. Marjorie, bon matin. Ah bon, Monsieur Pinard, bon matin. Mentaro, ah, première fois que je vous vois. Mystère Guerrière, bonjour. Lorine, bon. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, vous vous souvenez là, quand que M. Trudeau puis M. Legault ils étaient sur TikTok pour rejoindre les jeunes. J'avais dit, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Bon, puis là, ils interdisent. Bon, ils ont fini par. Non, non, boycotter ça. D'habitude, je donne pas de conseils, là, mais TikTok qui mange la merde. Puis, qu'est-ce qu'il y avait donc? Ah, M. Legault, il fait des podcasts. Il fait des podcasts à cette heure avec Régine Laurent. Bon matin, Alexis. Ah bon. Nathalie. Bon, ben, bonjour tout le monde. Que c'est ça le titre du podcast, M. Legault. Régine Laurent. Régine Laurent, qui est une infirmière d'origine haïtienne, qui était syndicaliste, qui est devenue syndicaliste, qui a siégé à la tête des choses que finalement ça n'a rien donné, à part peut-être, bon. Puis finalement, cette dame-là est millionnaire. Puis moi, je vais vous le dire, elle a siège par rapport au conseil d'administration du groupe TVA. Ça, je vous le dis parce qu'il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un journal qui va en parler. Régine Laurent. Bon, un instant. Hey. Viens montrer au monde de quoi t'as l'air. Que tu t'es battu encore. Regardez. Il s'est encore battu. Il est sur les antibiotiques encore. Couche-toi là. Bon, trop mignon. Il est revenu la face plein de sang l'autre jour. Hein? Il provoque les autres chats, puis il se bat. Qu'est-ce que je disais, non? Le chat va finir dans une casserole. Non. Non, non. Envoyez couche. Bon, lui, c'était. Je veux juste être ici, c'est tout. Mais bon, il se bat, puis il coûte cher de vétérinaire. Puis là, à date, ça fait même pas un an. Hein? Il a coûté 3 000 piastres et quelques de vétérinaire. Donc, c'est ça. Il saute d'en face des autres chats. Il fout. Bon, il est opéré, trop plein de testostérone. Oui, il est opéré, puis il se bat pareil. Régine Laurent, pour l'avoir rencontrée dans le passé, et comment qu'elle est devenue, mais elle m'a beaucoup déçue. Elle n'était pas une collabo avant. Ben, c'est ça, c'est de la corruption. C'est du monde corrompu. Comment voulez-vous devenir millionnaire en étant infirmière? Puis, qu'est-ce qu'il y a là? Quoi? Qu'est-ce que tu veux là? Bon, viens. Envoyez. Bon. Couche. Couche-toi. Fait que, ouais, c'est de la corruption, Régine Laurent. Moi, je considère que c'est de la corruption. Prenez des gens bien, puis vous pouvez faire n'importe quoi avec parce qu'ils sont vénables, ils sont corruptibles. Puis c'est ça que ça fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à part les spoiler, puis leur accorder aucune crédibilité? Parce que là, pendant le podcast de M. Legault, il expliquait que là, maintenant, avec la primauté parentale, c'est-à-dire les complotistes avaient raison. Bonjour. Ben, finalement, il dit, ah, même les avocats des parents risquent d'être surpris. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Hein? Donc, bon, ben, bonjour tout le monde. Je m'excuse si je peux pas. Je peux moins me pencher, là. Mais c'est ça, Eugène Laurent, leur commission sur par rapport aux enfants, puis ça donnait quoi? Rien. Puis moi, je vous le dis parce qu'il n'y a pas, y a pas un journal qui va en parler. Il n'y a pas, même les lanceurs d'alerte n'en parlent pas. Régine Laurent, elle siège au conseil d'administration du groupe TVA. Elle fait partie de ça depuis 2022, me semble. Puis le groupe TVA, c'est intéressant de regarder le pedigree des gens qui sont là-dedans. Puis aussi les petits liens qu'ils pourraient avoir avec certaines choses. Moi, je vous dis, le groupe TVA, puis la CRAC, là, la CAQ, là, Québécois, puis bon, il y a des petits conflits d'intérêts, tant qu'à moi. Puis à un moment donné, on finit par voir puis par comprendre. Puis il y a un petit côté McKinsey. Il y a une chose dernièrement, j'ai écouté, c'est M. Jovanovic qui était sur TV Liberté, puis il disait McKinsey. Puis Olivier Pichon le reprenait, puis il disait McKinsey. Là, j'étais content. Parce que tout le monde dit McKinsey par mimétisme, c'est McKinsey. Bon, à un moment donné, c'est parce que c'est fatigant. C'est fatigant. On va finir qu'on ne sait plus de quoi on parle. Hein? Bon, bonjour. Ah ben bonjour. Et Gargamel. Je suis pas bien ben fin, ça, là. En plus, Azrael, c'est peut-être pas juste le nom d'un personnage de BD, là, niaiseuse. OK. Il y a des noms, des fois, là, c'est bon. Cette commission était pour légitimer le fait que les parents biologiques n'ont plus de droit sur leurs propres enfants. C'est ça. C'est la négation du droit filial. Puis ça, c'est pas acceptable, ben, ben, là. Parce que tant que c'est dans la mesure du raisonnable, puis que les parents sont raisonnables, ça devrait toujours primer. Puis là, ben, finalement, ça primera pas, même quand que c'est le temps. Puis finalement, c'est quoi? C'est l'État qui prend de plus en plus sa main, qui la mainmise de plus en plus sur les enfants qui sont considérés comme de la ressource humaine. Puis quand ils empruntent de l'argent, l'État, c'est sur les dettes futures de vos enfants, puis en calculant leurs futurs impôts, l'impôt sur le revenu qui était censé être aboli après la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme d'habitude, c'était démentri. Puis bon, c'est sur beaucoup de temps que ces choses-là se font. Donc, finalement, bon, c'est de la crosse, c'est de la manipulation, mais bon. Là, prenez ce qui se passe en France en ce moment. Je pense pas que M. Macron va tomber. Je pense pas parce qu'il n'y a pas de position. Vraiment, c'est du théâtre. Puis l'autre, là, Borne, là, Elisabeth Borne. Bon, finalement, c'est... Là, les gens, il y en a qui sont enthousiastes, puis disons, on voit quasiment à l'ombre de la guillotine, puis bla, bla, bla, bla, bla. Ils sont pas plus réveillés que les Québécois, les Français, dans le sens que, bon, sinon, Jacques Attali se serait fait lyncher par la foule. Je veux dire, c'est un peu comme Kissinger aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez, là, dans le fond? Bon, trop contente de te voir avec ton chat. Dans la paix, il est très beau. Ben, la paix. J'ai jamais la paix, justement. Moi, j'en voulais pas de chat. C'est même pas mon chat, mais c'est moi qui aime. Fait qu'il est tout le temps après moi. C'est comme les animaux des voisins. On dirait, ils sont tous après. Le chien de la voisine, quand je le vois dehors, je sors pas. J'attends qu'il me voit pas. Parce qu'il me lâche plus. Fait qu'à un moment donné, bon, j'aime beaucoup les animaux, mais bon, j'aime ça faire mes affaires aussi. J'aime ça. À un moment donné, les liens entre lui et le chat est très clair. Ben oui, un familier. Bon, franchement, c'est pas un démon, c'est un petit bébé, une pauvre petite bête. C'est juste une petite créature que on l'a tellement souvent sauvé la vie que bon, c'est normal qu'il s'attache. On finit, on remplace un peu la mère. Les Français sont en train de faire exactement ce qu'ils s'attendent d'eux. Ben oui. Ils ont des, c'est de la psychologie de masse, c'est-à-dire que la foule, puis ça vient tout, c'est une expertise qui vient d'Angleterre. C'est une expertise qui vient d'Angleterre. Puis la France, depuis la libération, fait partie de, bon, c'est les Américains qui contrôlent, dans le fond, la France, puis une grande partie de l'Europe. Même, on va dire, comme le gouvernement serait, ce serait Bruxelles, mais dans le fond, hein, c'est les Américains qui mènent la France, puis l'Europe. Puis bon, là, l'Allemagne commence à montrer des petits signes d'indépendance. Mais ils vont être remis à l'ordre. Ils vont être remis à l'ordre à un moment donné. Donc, bon, l'État a trop de pouvoir. C'est pour ça qu'il abuse. Ben, c'est que là, j'ai pas eu le temps de tout lire, là. Hein, psycho de la Révolution française, version 2.0. Oui. Si vous lisez Gustave Le Bon, Psychologie des Révolutions, puis que ou sa Psychologie des foules, mais Psychologie des Révolutions, il explique comment, bon, qu'est-ce qu'il disait, Talleyrand agitait le peuple avant de s'en servir. C'est toutes ces vieilles choses-là qui sont appliquées tout le temps. Talleyrand, qui est un anglophile, qui faisait partie des clubs anglais, puis lui, quand il y a eu la Révolution, il savait, puis il est devenu, il est allé en Angleterre. Puis là, une fois que, bon, après, il est revenu. C'est comme ça qu'il, c'est pour ça que, bon, à un moment donné, ça se peut que Jacques Attali quitte le sol français. Il va aller, je le suppose, moi, quelque part, peut-être, bon, en Israël ou à New York, ou peu importe. Puis après, ça se peut qu'il revienne, parce que, bon, en tout cas, c'est hein? Ben, c'est pour ça qu'il y a un okay, c'est ce que tu as de l'accueil pour eux. Ils savent ces petites choses. Ben, ces petites bêtes-là, ben, je pense que c'est vibratoire. Donc, parce que des fois, bon, je suis pas tout le temps fin, dans le sens que je suis pas tout le temps affectueux. Quand je ne me tente pas, je leur dis, je laisse-moi tranquille. Puis non, oui, c'est moi qui sont obsédés. Ce matin, Donald Trump a dit qu'il sera arrêté mardi. Ben, c'est bien possible. Mais ça, à mes yeux, c'est encore du théâtre. C'est encore du théâtre. Puis, bon, c'est du théâtre, mais pas au sens où Alexis Cossette-Trudel le dit. C'est un autre théâtre beaucoup plus, beaucoup moins réjouissant. Donc, il a appelé les Américains à se révolter. Huawei, puis il va être accusé de créer de l'insurrection. Voyons, là, est-ce que c'est ça qu'il faut appeler à? Ça va régler quoi? Je veux dire, ils sont censés donner l'arme. C'est donner des armes. Oui, c'est vibratoire avec les animaux. Oui, c'en est étonnant. Hein? Bon, il manque des moustaches sur un côté. Il y a vraiment eu toute une volée. Il y a une tête d'ours. Il y a une tête de cochon aussi. Quel État prend tellement le contrôle qu'il laisse les ados décider pour l'aide à mourir, bravo. Ben, ça va être les enfants bientôt. En passant, au Québec, il s'est fait un avortement de 35 semaines de grossesse dernièrement. Ouais. Puis même le personnel était traumatisé parce qu'avant, il les envoyait aux États-Unis. Mais on est rendu là, là. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez que, hein? À part en, là, au moins le dire, que ça se sache. Puis les autorités, notre gouvernement, qui dit oui, mais blablabla, OK, allez expliquer au public, à TVA, la procédure. Fais-en un podcast, François Legault, puis explique en détail la procédure. Tu as Mme Laurent, là, qui est infirmière, qui vient d'expliquer ça au monde. Expliquez en détail la procédure aux gens, si on est dans une démocratie, puis que c'est des choix de société. Venez dire la vérité au monde, expliquez-la en détail. Soyez transparent, assumez-vous. Hein? Moi. En tout cas, les peuples ne s'éveillent pas. Ben non, c'est comme j'avais dit. Il y a juste des individus qui peuvent s'éveiller. Puis bon, tout est théâtre, tout est illusion. Ben oui. Ma conjointe a fait, je pense, sa thèse universitaire là-dessus. En tout cas, pas bon matin. C'est un infanticide. Ben oui. Mais oui. Ben, c'est belle valeur, mais rendu là, c'est un psychiatre, ça prend, là. Pas un avortement. Oui, je suis au courant pour les bébés. Ben oui, 35 semaines, aucun sens, c'est un meurtre. Ben oui, mais sachez qu'au Canada, l'avortement est légal tout au long de la grossesse. Puis tant que le cordon ombilical n'est pas coupé, là, ils ont le droit de. Savez-vous, ça fait partie du corps de la mère. Fait que si la mère est folle, le bébé, c'est juste une extension du corps de la mère. Donc, c'est ça. Alexis, j'arrive à savoir des discussions avec des gens autour de moi que je n'aurais pas pu avoir avant. Les gens ont compris qu'ils ont été abusés. Ouais, mais bon, ça dépend des gens. C'est pas une majorité, hein. Faut faire quoi avec toutes les conneries que l'on voit? Pas toujours facile de se contenir. Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Juste le fait, là, de vous en rendre compte, puis d'avoir des fois un petit peu de courage, puis des fois, bon, malgré que moi, là-dessus, j'en parle pas autour de moi, mais il y a personne qui dit rien. C'est ça le problème. C'est fort, la parole. Peut-être pas aussi fort que certains pensent, là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah, tu dis maudit chat, arrête de faire ça. Là, je trouvais que ça arrivait à la superstition, là, à un moment donné. C'est pas, il n'y a pas l'intention, hein? Bon. Peux-tu aborder le sujet de l'importance de ne parler de supramental et de contact avec l'esprit, avec son entourage? Ça terrifie nos proches et les gens doivent apprendre à se taire, oui. Ben, c'est parce que vous allez troubler le monde. Vous allez troubler le monde autour de vous, puis ils vont vous passer pour. Vous allez passer pour des gens qui ont des problèmes. Puis le pire, c'est qu'il y en a de plus en plus des gens qui ont des problèmes. Donc, vos proches peuvent vous se demander si vous n'êtes pas en train de devenir fou. Ça peut être dangereux. Puis aussi, vous allez les troubler pour rien, puis eux peuvent se mettre à aller mal. C'est pas tout le monde qui a la contenance pour intégrer des choses comme ça. Donc, bon. Vous vous souvenez, là, il y a une année, là, toutes les pitbulls attaquaient au Québec. Il y avait plein de pitbulls qui attaquaient, ils attaquaient tout en même temps. Puis là, ben là, on voit ça, des humains virent toutefois en même temps. Il y en a un là, qui a foncé dans du monde avec son camion. Puis il y en a un autre, un jeune de 19 ans. Il vient de tuer son père, sa mère et sa grand-mère. Puis il était où ces deux-là? Il était où? Il allait où? Sur quoi eux autres, ces deux-là? Sur TikTok. Je dis pas, je suis pas en train de vous dire qu'il y a un lien, mais il y a je veux dire, quelqu'un qui n'a pas de discernement, puis qui ne va pas bien, il ne va pas avoir de discernement au niveau de ses choix, puis bon. Donc, c'est comme quelqu'un qui a des tatouages d'en face, qui est tout percé, puis qui est cheveux verts, on peut se douter qu'il manque de discernement un petit peu. C'est la même chose, quelqu'un qui, bon, certaines affaires qui se reconnaissent un peu. TikTok, ça a vraiment une vibration de marde. C'est pour ça que même Facebook, je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est pour ça que je ne suis pas sur aucun réseau social. Pourquoi YouTube? Ben, YouTube, ça a la place qui a le plus de supramentaleux. Les sujets sont abordés, donc le public est déjà là. Donc, je fais comme des concessions que je fais. Je veux dire, on choisit le moins pire. On choisit le moins pire. Ah, bonjour, Céline. C'est clairement un meurtre d'avorter. Ben oui, ça n'a aucun sens. Là, c'est devenu, c'est indécent. Ça n'a aucun sens. En tout cas, j'aime autant pour penser à ça quand on la connaît, la procédure. C'est dégueulasse. Vraiment, là, plusieurs lui avaient proposé l'adoption jusqu'au dernier moment. Elle a refusé. Oui, les gens appelaient à l'hôpital. Et le personnel se montrait très gentil avec les gens qui appelaient. Puis bon, même le personnel était. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le nom du médecin qui a procédé. Puis après, avec son nom, vous pouvez voir sa face. Je ne suis pas en train de dire de faire quoi que ce soit. Là, je dis juste, ben, qu'il s'assume. Qu'il s'assume. Puis il y en a que, bon, ben, ceux qui sont militants là-dedans, ben, ils vont prendre des notes. C'est pas moi qui les inspire, là. C'est pas moi qui. Ben, ça se fait tout seul, hein? L'inconscience puis la conscience, c'est des affaires, c'est des phénomènes naturels, si on peut dire. Donc, il va falloir qu'ils vivent avec ces choix, ce gnochon-là. Un médecin, ouais, ça se prétend des médecins. Moi, je dis enlever le serment d'Hippocrate. Mais tu sais, je sais pas quoi, l'affaire, le serment des scouts ou

Des fois, le savoir, c'est désapprendre. Bon, c'est pour ça que la gnose, pas besoin, je m'en passe. Hein? Je ne vous dis pas que je n'ai pas déjà été instruit de ces affaires-là, je vous dis que je m'en passe. Parce que bon, moi, mes yeux, ça fait partie des mensonges cosmiques. Regardez, là, bon, il m'était venu de quoi, c'est reparti. Mais l'affaire, regardez le retour du chamanisme. C'est quoi ça? Ça fait partie de l'enfance de l'humanité, les premières, les balbutiements des contacts de l'être humain avec les plans, l'astral médian, puis ces affaires-là. Pourquoi ça revient à la mode? Parce qu'il y a une régression. Il y a une régression. Pourquoi la gnose, ça revient tout le temps? Parce que c'est une crosse qui marche. Ah, ben, en tout cas, salut à tous, Bob, bonjour. Sam, quand je parle de gnose, je précise de Nagamati. Ben là, c'est parce qu'on tombe dans des choses. Moi, peu importe laquelle. Pourquoi s'encombrer de tout ça? Ce que vous avez à voir, le savoir, c'est une vue, là. Vous voyez, vous savez. C'est automatique, c'est instantané. Le savoir, c'est instantané. Pas besoin de la doctrine de personne. Puis du monde, par exemple, comme Bernard de Montréal, ce qui est frappant quand il parle, c'est quand il dit des choses que vous le saviez ça avant qu'il le dise. Mais vous n'auriez pas pu le verbaliser, mais quelqu'un le fait. Mais c'est tout le temps quelque chose que vous saviez déjà. Le reste, là, bon, en tout cas, pourquoi tu ne parles pas du piratage du cerveau via la technologie? C'est que c'est pas courant. Ben, TikTok, c'est un bon exemple. Prenez les jeunes, il y a eu une vague de jeunes qui ont eu des troubles comportementaux. C'en est du piratage via la technologie. Donc, bonjour Trinity. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah ben, Belinda. Samab, bonjour. Ah ben, de rien. Daniel Kahn parle beaucoup de l'enfant Teflon. Toi, Bertel, te considères-tu comme un enfant Teflon? Non, moi, je me considère pas. T'as quel âge, s'il te plaît? Ben là, c'est un petit peu indiscret. Je suis un quarantenaire. Bon. Hein? Mais bon, c'est ça. Je suis un quarantenaire. Belinda, avec son nouveau nom. Ah, OK, j'avais pas compris. Ah, bon. Ah bon, ben, comment ça, un nouveau nom? Savez-vous que Berthold, c'est moins pire que mon vrai prénom? En tout cas, bonjour, enfin, je tombe sur le direct, très intéressant. Ah ben, de rien. Ben, il n'y a pas de quoi. Donc, bon, le piratage via la technologie, ce qu'on pourrait appeler du neuropiratage. L'affaire, c'est que la clé de tout, notamment, est-ce que quelqu'un va être lucide ou pas? Ben, c'est toujours lié, entre autres, est-ce que le système nerveux, est-ce que le système nerveux est fluide? Est-ce qu'il est sain? Est-ce que ça va bien à ce niveau-là? Au niveau de l'âme, la mémoire expérimentale enregistrée. Donc, c'est là que la technologie, quelqu'un qui n'a pas de discernement, c'est pour ça que moi je deviens en colère quand je vois des enfants avec des tablettes et des téléphones. C'est comme leur mettre une torche dans la main puis les envoyer se promener dans un magasin de feux d'artifice. C'est très dangereux. Puis bon, il ne faut pas non plus devenir paniquer, là, puis devenir. Parce que plus vous allez interdire quelque chose, plus vous allez créer de l'attrait. Donc, ça devient complexe, là. De toute façon, là, c'est rendu la primauté parentale. Là, si vous êtes au Québec, c'est à l'État de voir à ça. Donc, moi, c'est à eux autres, je vais donner de la marque. François Legault. Cette espèce Bon. Un nouveau nom qui n'a pas de connotation spirituelle. OK. Ah bon. Ah, vous avez mis plus ça, là, la Trinité. Pourtant, c'est important. Comment je parle, bon, juste l'être humain, c'est une trinité. Dans le fond, ouais, comment on fait pour savoir que l'on sait déjà? Est-ce seulement une idée quand on dit ça? Ben non. Au contraire, ça devient une idée quand on le verbalise, on l'intellectualise, on suppose être là d'avance. Pourtant, le problème, ça devient compliqué de parler de ça parce que c'est des choses simples, puis on les dénature en en parlant des fois. L'affaire, c'est qu'il y a des choses que vous saviez intuitivement. Bon, ça, c'est de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence intellectuelle, c'est mieux. C'est mieux. Donc, bon, regardez là, toutes les fois dans votre vie où vous saviez quelque chose intuitivement, puis vous vous êtes désinformé vous-même en l'intellectualisant, puis en réfléchissant. Puis par après, une fois que vous êtes obligé de l'intégrer expérimentalement, c'est-à-dire de vivre la déception, finalement, vous dites, je le savais. Ça, le savoir. Dès que nous avons compris, en toute modestie, comment naviguer dans tout ce merdier. L'affaire, c'est de voir plus que de comprendre. Il faut voir à mesure parce que comprendre, il va avoir un délai. Faut pas qu'il y ait de délai. Faut une vue immédiate. Immédiate au sens, si vous regardez la vraie définition de immédiat, ça veut dire sans médiation. Mais ça, c'est de l'intégration, c'est-à-dire que à un moment donné, on finit par se rendre compte qu'il y a des pièges au niveau du mental, c'est-à-dire l'intellectualisation. Donc, est-ce que tu as des enfants? Non. Non. Puis même étant enfant, j'avais décidé que j'en aurais jamais. Ça, j'ai décidé ça mon premier jour d'école, quand j'ai vu comment on traitait les enfants. Donc, ma fille m'a demandé de donner mon accord pour un piercing. J'ai fait semblant d'être d'accord et elle n'en a plus reparlé. Bon, ça, c'est bien. Vous voyez comment c'est intelligent. Ça, c'est très intelligent. Ben oui, elle voulait juste me tester. Moi, mais le pire, c'est qu'au niveau du mimétisme et des influences, ça se peut qu'elle fasse pareil à un moment donné. Donc, parle, Georges, Georges, vous pouvez, sans que ça soit lié à elle, à un moment donné, bon. Si j'avais des enfants, j'aurais pas besoin de leur dire que je veux pas qu'ils en fassent. Mais dans le sens qu'ils finiraient par, juste par la vibration, ils en voudraient pas. Mais dès que je vois quelqu'un avec un piercing, moi, ça me fait l'effet d'une mouche, là. Vous savez, comme on disait au 18e, là, un gros point noir laid, là, où c'est un défaut, quoi. Je trouve ça disgracieux, vraiment. Puis bon, mais c'est comme. Non, non. Altérer le moins possible le corps. Pas se faire tatouer, pas se faire percer, rien mettre sur les ongles, rien mettre de chimique dans les cheveux. Ça, c'est pas au niveau c'est pas comme, c'est pas des conseils que je donne, mais je vous dis que plus le corps est altéré, moins ça circule bien, moins il va avoir une fluidité, puis plus même ça affecte le système nerveux, puis on s'en rend pas compte. Comme c'est électromagnétique, le vivant. Si vous vous mettez des morceaux de métal dans la peau, ça affecte la façon dont ça circule. Mais on n'a pas été éduqué sur ces choses-là très subtiles. Comme je parlais, le méridien de la vésicule biliaire, il y en a, ils se font mettre un piercing, ce qui est un point important, ils ne se rendent pas compte, là. Ça peut maintenir à des organes à l'interne, les intelligences viscérales. Et bon, en tout cas, dans une entrevue avec David, vous avez dit qu'il est facile de mettre en échec l'intellect. Pouvez-vous expliquer quel est le processus? J'ai dit ça. C'est pas si facile que ça. Je suis pas sûr que j'ai dit ça comme ça, mais c'est possible. Mais c'est pas difficile, c'est par l'observation. Si au lieu de penser, vous observez votre pensée, à un moment donné, c'est un peu. C'est comme quand vous voulez faire une performance musicale ou une danse, si vous l'intellectualisez trop, vous allez faire des faux pas, des fausses notes. C'est la même chose, l'observation de l'intellect. À un moment donné, par l'observation, vous allez être plus dans le point qui observe que dans ce qui est observé. Puis ça va s'interrompre, ça ne pourra pas fonctionner. C'est plus important de voir que de regarder. À ce niveau-là, réfléchir, c'est comme regarder. Observer, c'est on finit, on voit. Mais bon, la Trinité n'est pas ma création, c'est comme quelque chose qui s'est imposé à ma nature au fond. Avons-nous voulu cet état trinitaire? Ben là, ça serait comme demander au chat s'il a choisi son pelage. Mais il s'appelle Tigri pareil. Je l'ai appelé tigri peut-être par, ouais, par tout simplement par dérision là, des extraterrestres. Je vois ça comme de la mythologie populaire, justement. Mais il reste que, bon, il y a des. C'est comme même Bertolt, je n'ai pas vraiment choisi. Je ne savais pas que ça me servirait comme. J'avais pris ça sur un forum il y a longtemps. Je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, moi aussi, je ne trouve pas ça beau. Ben non, c'est pas beau. Puis, bon, tout ce qui vient dénaturer, mais on vit dans une culture de dénaturation. Donc, il y en a qui trouvent ça beau. Ah, Didier, je le savais. Oui, c'est ça. Ben oui. Par l'éducation, on se fait couper de notre intelligence. Puis par le mimétisme, par les influences, on se fait couper de notre intelligence réelle. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, c'est pas nécessairement d'apprendre, mais de désapprendre certaines choses. C'est pour ça que je vais beaucoup parler de déprogrammation. Puis l'observation, tout ce qui est de la programmation. Parce que, bon, par vibration, on peut épurer notre environnement. Oui. Ben oui. Les gens qui sont pleins de problèmes, ils n'osent pas m'approcher. Bon, c'est vrai que je vis dans une petite ville, puis les gens me connaissent, mais ils savent. Ils savent. Donc, ils me laissent tranquille. Les itinérants n'osent même pas me demander rien. Ils savent. Puis pourtant, je leur donnerais. Je leur donnerais. C'est arrivé quand j'étais dans une ville qui était pire, là, qui était plus pauvre. Puis bon, à un moment donné, il y en a un qui m'avait demandé de la monnaie. Puis je lui avais donné de la monnaie, mais j'y avais donné ce que j'avais. J'en avais pas beaucoup. Puis là, il avait regardé ça, puis il chialait. Il m'avait dit, j'ai même pas de quoi m'acheter un café. J'ai pété une colère. J'ai dit, tu vas me le redonner. Tu vas me le redonner. Puis finalement, il m'a donné plus que ce que je lui avais donné, puis je suis allé me payer un café avec sa monnaie. Ben, à un moment donné, là. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme. Ben, je ne suis pas certain. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas intelligent. Puis aussi, si vous regardez les choses qui ont sorti, on voit qu'il y a des programmeurs derrière. Parce que ça va être idéologisé et politiquement orienté. Donc, il y a des humains derrière. Il y a des humains derrière qui ont programmé, qui ont orienté. Puis, c'est pas intelligent. Si vous demandez à de l'intelligence artificielle, est-ce que ça leur fait mal aux vaches quand elles pondent des œufs, elle va vous expliquer que non. Y a des gens qui ont fait des expériences, ça aboutit à des choses comme ça. Donc, bon, l'intelligence artificielle, c'est pas intelligent. C'est-à-dire que l'intelligence réelle va avoir un coup d'avance pareil. Donc, à un moment donné, l'intégration collective, ça va être de se rendre compte que c'est pas intelligent. Puis pour se rendre compte que c'est pas intelligent, ça va prendre des catastrophes engendrées par l'intelligence artificielle. Mais le collectif, la conscience collective, c'est de l'inconscience. Donc, ça prend tout le temps de l'expérimentation, de l'expérimental. Fait que ça prend tout le temps de la souffrance. Sinon, on ne voit pas. Donc, bon, il faut tout le temps se rendre au bord du précipice pour le voir. C'est ça le collectif. C'est dangereux pour l'individu. Parce que si vous faites partie d'un collectif, vous êtes sur le bord du précipice, puis que là, ça pousse derrière, vous allez tomber. C'est vous qui allez servir expérimentalement à l'intégration du collectif. C'est-à-dire, l'individu va servir l'intelligence collective, ce qui est de l'inconscience. Tandis qu'il faut que ce soit le contraire. Par l'observation, l'intelligence du collectif peut servir à l'individu à intégrer. C'est ça de la conscience. Ça, en tout cas, on va remplir. OK, Annick, pas le temps de vous lire. Quel est ton avis sur la masturbation? Est-ce que tu considères que ça crée une dysfraction? Non. Vous savez, moi, je ne veux pas me prononcer pour ou contre. L'affaire, c'est si vous comprenez au niveau de votre force vitale. Il y a un moment donné, il y a une dispersion de l'énergie. Donc, je veux dire, comme votre semence, la semence, ou même les femmes, les fluides corporels, ça prend beaucoup d'énergie au corps pour fabriquer ça. S'il est concentré à fabriquer beaucoup, ben là, vous perdez un petit peu d'énergie d'un autre côté, en autant que ça ne devienne pas une dépendance. Ou si ça prime sur l'acte sexuel normal, là, c'est dangereux dans le sens que c'est pas normal. C'est une activité de compensation. Faut pas que ça devienne une activité de compensation. Mais je trouve pas ça malsain comme il y en a qui ont trouvé ça tellement malsain. C'est pas si grave que ça. En autant que ça ne devienne pas une déviance. Parce que ça peut être la porte ouverte vers toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais il reste que, c'est comme il y a longtemps, les taoïstes disaient, si vous retenez votre semence à un moment donné, ben ça va réparer le cerveau. Pourquoi ils disaient ça? Mais là, c'est une question au niveau des énergies dans le corps, puis de la façon dont vous métabolisez votre corps, mais en tout cas, et comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas de drame à faire avec ça. Le problème, c'est que ça peut être une porte ouverte vers des drames. Parce que là, si ça devient une dépendance, si ça va vers des déviances, parce qu'il y en a, c'est comme de la drogue. Ils ont besoin de plus en plus de. Bon, ils vont en prendre des supports de plus en plus malsains. Là, ça va nourrir une animalité. Puis, quand vous nourrissez l'animalité, vous perdez de l'humanité. Ça peut être dangereux. Mais là, après ça, quand un malade blâme la pornographie pour les crimes qu'il a commis, c'est juste des excuses. C'est juste des. Bon. Pour le chat et son pelage, vraiment savoureux. Ah oui. Ah. Moi, ben là, il a l'air fou un peu. Il a fallu lui raser l'oreille parce qu'il a fallu traiter. Il y avait eu des morsures. Il y avait une cellulite à une patte. Il y avait une patte qui avait triplé de volume. Donc, il a fallu l'amener en urgence. Puis, il a fallu encore le soigner. Ça a coûté 725 pièces. Soigner encore. Là, je veux plus qu'il sorte. Je veux plus qu'il sorte. Il fait juste se battre. Bon, c'est peut-être. Il protège son territoire. Et lui, il sait qu'il est chanceux d'être ici. Il ne veut pas que les autres s'approchent. Puis il est porté à se battre beaucoup. Donc, bon, en tout cas. Oui, Shabbat, hein? Quoi? Oui, Shabbat est formaté et donne plein de fausses réponses. Je l'ai testé. Chat GP Cossin, là. As-tu une profession? Je me demandais si tu pouvais encore professer un métier avec ta vibration actuelle. Je travaille dans un magasin bio. J'aime beaucoup, par contre, cela prend énormément d'énergie. Je ne serais pas capable d'un magasin bio, là, à cause de la vibration des clients. Parce que le monde qui se tient dans les magasins de même, c'est des madames granola, souvent. Puis bon. Non, ben, moi, ma profession à la base, là, moi, je suis. C'est tout ce qui est rapport avec l'alimentation d'établissement. J'ai une formation en hôtellerie. J'ai travaillé longtemps aussi comme cuisinier. Puis, ce temps-ci, depuis plusieurs années, ça fait à peu près 9 ans. Bon, j'ai eu des passes assez difficiles, mais là, ces temps-ci, je transige des valeurs boursières. Ça, j'aime ça. J'aime bien gros ça. J'ai eu la piqûre à un moment donné. Puis finalement, bon, ça me suffit. Mais je ne peux pas faire un métier où je m'absenterai. Je ne peux pas exercer rien où je m'absenterai. Mais je parle d'un métier, ce n'est pas une profession, là. Il faut faire la différence. Mais je ne peux pas. Non, j'ai un proche aidant. Donc, il faut que je travaille à la maison. Bonjour à tous et à tous. Que pensez-vous de la guématrie? Ben ça, c'est parce qu'il y a une différence entre la guématria, comme on voit comme par exemple la tradition lourianique, ces choses-là, puisque c'est devenu dans la culture populaire Nouvel Âge, qui n'a rien à voir. C'est une façon de faire de la cryptographie. Puis c'est aussi des logiciels d'encryptage d'informations, entre autres. Puis une façon aussi d'analyser. Une qui est intéressante par rapport à ça, qui est aujourd'hui décédée, c'est Dominique Aubier. Là, on touche plus à la vraie chose que ce que je vois, là, que ce que certains ont répandu dans le public. Mais ça n'a rien à voir avec. Bon. Faut arrêter de croire en Trump, les moutons, il fait partie de la game. Ben, c'est ce que je dis depuis le début, mais le monde, ça les choque. Donc, OK, ils croyaient en Trump, comme ça, on, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, ouais. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Pour rebondir sur ta réponse sur la perte d'énergie, j'ai une autre question. Lorsque nous quitterons notre corps, si on est en conscience, sera-t-il possible de revenir à la source? Le travail, il se fait de votre vivant hein, par rapport à ça. Puis la source, vous êtes déjà lié pareil, là. On est coupé, oui, au sens de certains corps qui sont récents, comme le corps mental. Mais on reste lié pareil. Sinon, le corps vital ne serait pas alimenté. Le vivant, même le chat, il est lié à sa source. C'est juste que lui, bon, il est chanceux, il n'a pas de corps mental. Il n'y a pas de... En tout cas, bonjour, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on se fait plus facilement astraliser le soir? Ben, parce que le soir, c'est des forces sublunaires qui sont plus fortes au niveau électromagnétique. Le soleil, c'est, comment je pourrais dire ça? La lumière du jour, ça ne tue pas juste les bactéries. La lumière du soleil, ça désinfecte. Hein? Mais ça, c'est pas juste au niveau physique, biologique. Il y a des formes de vie, on va dire ça comme ça, qu'au niveau vibratoire, leurs corps ne sont pas capables de tolérer la lumière solaire. Donc oui, d'ailleurs, si vous dormez des fois le jour, si vous faites des siestes, vous allez vous rendre compte que vos rêves ne seront pas pareils. Ce n'est pas le même type de rêve. La nuit, quand le soleil, quand on est dans le cône d'ombre, ce qu'on appelle le cône d'ombre, au niveau électromagnétique, là, il y a plus d'influence de d'autres corps célestes, puis il y a des choses qui parasitent l'électromagnétisme de ces corps célestes. Donc, toutes les affaires comme certaines planètes, la Lune, mais c'est plus des champs. C'est des champs. Puis bon, là, en tout cas, ça va loin un peu, c'est des affaires que, bon, ça pourrait être long, là, c'est long. Mais la lumière du jour, c'est pas juste au niveau matériel que ça agit, là. Ça agit sur tous les plans. Ça existe sur tous les plans aussi. C'est-à-dire, bon, même un corps céleste comme le soleil, il y a des corps sur différents plans. C'est pas juste matériel. Puis bon, les végétariens sont très têteux, demandant en énergie due à leur carence alimentaire. C'est normal, Christelle, que tu sois à baisse d'énergie. Ben oui, je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable. Mais là, il y a une nouvelle race, là. Eux autres, c'est idéologique puis c'est politique. Les végans, là, eux autres, ils accrochent des carcasses de porc au pont. Allez voir en franc-maçonnerie ce que ça signifie d'accrocher quoi en dessous d'un pont. Je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte, là. En tout cas, connais-tu Marc Lachaine, Ormatrice? Ben, un petit peu, l'écouter un petit peu. Merci Bertol, mais ma question était pour éviter toute réincarnation dans cette densité. Ça, c'est pas l'ego qui mène, c'est pas l'ego qui décide. C'est pas de même ça marche, là, dans le sens, c'est pas vous qui choisissez ça, là. Pas votre ego, là. Ça, c'est vous à d'autres niveaux qui décide ça. S'il faut que ça se fasse, c'est pas vous qui décidez, là. Puis ça va s'accomplir pareil. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher des programmations futures. En tout cas, nous sommes dans un show mondial. Chacun a son programme pour jouer son rôle dans la matrice astrale. L'astral, ce n'est pas de matrice. En tout cas, c'est vrai, les rêves sont différents la nuit et le jour. Les miens sont même plus clairs en couleur et définition. Moi, ben c'est pas partout la même chose. Les premières phases de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'étais plus quelqu'un du soir. Je faisais de l'insomnie. Puis, ça s'est complètement inversé avec le temps. Puis aujourd'hui, je suis plus synchronisé avec le soleil, puis je suis devenu quelqu'un du matin. Je me sens beaucoup plus détendu à dormir le jour, mais vivre la nuit, c'est pas gay du tout. Non, même, c'est pas bon signe. Les gens très, très nocturnes, rendus à un certain âge, là, c'est pas bon signe. Regardez les personnes âgées qui font de la démence. Ils vont faire de la démence nocturne et de l'errance nocturne. Puis ils vont avoir des terreurs nocturnes. Donc, c'est ça, hein. Je leur prenais de la mélatonine. Non, pas l'ego, c'est l'ego, moi. Pour qui aimer jardiner? Est-ce que vous intéressez à l'électroculture, magnétoculture? Non. Je ne suis pas très calé dans des affaires alternatives. Moi, c'est ce qui est quelqu'un de conventionnel, hein. Donc, non, je pourrais pas dire. Non, j'ai une nouvelle céramique, là. J'avais justement des plantes qui tigeaient, puis là, je voulais un nouveau pot. J'ai pris le même motif, mais un autre modèle. J'aime bien les céramiques, genre comme la dynastie Qing. Puis bon, j'ai toujours un dragon un peu plus gros, mais c'est le même. Vous savez, les mêmes. Bon, en tout cas. Que pensez-vous de Yvan Poirier? Je ne l'écoute pas. Je les écoute pas, hein, les supramentaleux. Je n'écoute pas personne. C'est lequel, ça? Je veux dire, je ne les connais pas. À un moment donné, là. Bon, si quelqu'un me dit que je suis sous l'emprise d'un gourou, mais que je ne le suis pas, pourquoi je me sens attaqué par cette remarque? Parce que la personne m'en doute votre identité. Être sous l'emprise d'un gourou, ça vient tout le temps d'un manque d'identité. Puis bon. À un moment donné, il y en a qui ont parlé de ça, comment ça marche, les gourous. Puis... Mais c'est sûr, c'est parce qu'on remet en doute votre identité quand on vous dit ça. C'est insultant. C'est insultant. Puis la colère, ben, c'est une mise en vibration. C'est-à-dire, ça rend de l'énergie disponible. À un moment donné, il va falloir transmuter ça, puis être capable d'avoir de l'identité, puis répondre du tac au tac. Puis là, le monde, ils vont se rendre compte que s'il y a un gourou, c'est vous. Mais tu sais, ça, au sens positif, là. Dans le fond. La plupart du temps, je me rends compte que je suis en rêve. À ce moment-là, le rêve se termine. Ben oui. C'est parce que là, comme je vous disais, l'observation, ça défait les programmes. C'est comme quand vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire d'une façon trop intense, là, vous pouvez faire des faux pas, des fausses notes. C'est la même chose, les rêves. Dès qu'on se met à observer le rêve, on le défait. Dans un rêve, on est totalement assujetti à un scénario, à un décor. Dès que vous le voyez, la pièce de théâtre, vous pouvez plus être dedans, là. Ça s'arrête. Ça passe à un autre niveau des fois. Là, peut-être vous allez arrêter de faire un rêve astral, puis si vous ne vous réveillez pas, là, vous allez faire un rêve mental. Là, vous allez pouvoir vous mettre à penser en dormant, mais pas penser au sens courant du terme. Mais vous allez même pouvoir régler des problèmes en dormant. En tout cas, la nuit dernière, j'ai fait un rêve où il y avait des manifestations d'entités, des objets qui bougeaient seuls. J'essayais de reprendre le contrôle, mais j'étais incapable de m'exprimer avec autorité. Ben, c'est comme si c'était un cliché. Ben, dans le fond, c'est quoi que les intelligences au-delà de la forme essaient de dire? C'est comme un cliché de votre état psychique actuel, pas d'habitude le rêve. Donc, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous échappent, peut-être. Donc, bon. Lionel, désolé, mais il faudra lâcher. Madame Vimont. Ben, le monde qui. Bon. C'est comme moi, d'une certaine façon. Je veux dire, il y en a qui ne me lâchent pas. À un moment donné. L'affaire, c'est de pas donner d'importance à. Il ne faut pas qu'il y ait de queue de la personnalité. Puis Madame Vimont, ben, elle, c'est à vendre, ses affaires, hein? Bon, ben, si, pour se rendre compte que ça vaut ce que ça vaut, faut les acheter, il y en a que ça va être ça. Fait que c'est correct, bon. Mais par contre, après, venez pas vous plaindre. Au moins, ouais, j'aime pas trop, mais je m'étais même pas adressé en plus. Faut-il être sous tension, stress et à lutter pour construire son corps mental? Ben, le corps mental, il est déjà construit. L'affaire, c'est l'épuration du mental. Là, des fois, ça va passer par des mises en vibration. C'est-à-dire que l'entourage peut servir à épurer le corps mental, l'expérimental. Là, il va falloir transmettre la colère que ça peut engendrer en volonté. En volonté de faire un certain vide. Mais là, je ne parle pas de faire un vide autour de vous, mais faire un vide dans vous. L'épuration du mental, après tout devient plus clair un peu. ça devient plus fluide, on n'a plus besoin de réfléchir autant. Mais bon, oui, ça peut servir d'être sous tension. Parce que ça force, ça va vous forcer à transmuter des affaires. Ça va vous forcer à... C'est un petit peu de l'alchimie interne. Hein? Ça va vous forcer. Mais c'est de comprendre que l'ego, ben, en tout cas le voir, l'ego, il peut pas faire des choix par rapport à ce qui n'a pas intégré. C'est impossible. C'est là que le libre-arbitre est une illusion. Donc, s'il va y avoir une intégration, ça va tout le temps parce qu'on est forcé par les circonstances. On va être amené à. Parce qu'on n'a pas le choix. Puis à un moment donné, on finit qu'on regrette rien. Puis on se rend compte que même ce qu'on a vécu de pire sert. Mais bon, on ne se fait pas reprendre. C'est là qu'on voit si c'est intégré ou pas. C'est de ne pas se remettre le pied dans le même trou. Donc, si seul le réel existe, peut-on dire que le reste est le réel altéré par la perception? Oui, entre autres, mais il reste que ce qui n'est pas réel existe aussi au sens que ça a un effet. Donc, bon. Moi et ma soeur faisons des rêves prémonitoires depuis notre enfance et c'est quand... il va se passer quelque chose d'important qui va arriver. C'est pratique. Oui. Ben oui. Ça peut être pratique. Dans le fond, c'est un peu comme l'intuition. C'est sûr que ça sert. C'est de l'intelligence. Je veux dire, c'est de l'information. En tout cas, ce qui est intelligent, c'est quand ça sert. Mais bon. Castaneda parle de voir ses mains dans le rêve pour contrôler. Ouais, ben, c'est que si vous avez le réflexe de regarder vos mains, vous allez vous rendre compte que votre corps dans le rêve est une représentation parce qu'il y a des défauts. C'est comme si vous demandez à un peintre ou à un dessinateur qu'est-ce qui est le plus difficile à dessiner. Il va vous en parler, c'est des mains. C'est très complexe à dessiner plus qu'un visage. C'est la même chose au niveau des représentations. Si vous observez vos mains en rêve, vous allez vous rendre compte qu'il y a des imperfections. Là, ça peut vous aider à vous rendre compte que ce n'est pas réel. Là. C'est un décor. En tout cas, vous avez une fixation sur... Ça n'est pas mon problème. Bon. Ben là, Madame Vimont, il y en a plein de même, là. Il y en a plein des communes. Je ne dors presque plus ici, je ne dors, je ne rêve pas, ou ne me souviens jamais de mes rêves. Par contre, je m'endors à tout moment, le jour, je perds des bouts. Ah oui, ben c'est pour ça, là, c'est pas bon de pas dormir, là. Mais l'affaire, c'est que vous n'êtes pas supposé dormir comme si vous tombez dans un trou noir, non plus. Donc, pas se souvenir de sa nuit, pas obligé d'être des rêves. Mais il y a un appartement où c'était très passant, où j'ai vécu. Puis si pendant que je dormais, quelqu'un passait dans le couloir, j'en avais connaissance sans me réveiller. Mais là, plus vous allez être centré puis conscient dans votre vie de tous les jours, plus vous allez l'être dans, même en dormant. Mais le manque de sommeil, c'est une des pires choses pour le système nerveux. Puis bon... Comment se fait-il que je me sens détaché de ce monde? Je vois la pièce de théâtre et ça m'indiffère comme si j'étais spectatrice du spectacle. Je suis là sans être là. Ben, peut-être que vous êtes en train de former un surmental, un point d'observation objectif. Le vrai surmental, pas celui fantasmé par du monde, là, qui voit toutes sortes d'affaires dedans qui n'ont pas rapport. Là. Donc, c'est peut-être une phase. L'être-esprit a-t-il la capacité de créer tout le corps instantanément, s'il le voulait? C'est plus mécanique que le vouloir, là. Mais, je veux dire, c'est lié, entre autres, bon, l'information est enregistrée, mais ça a pris combien de millions d'années pour que ça se densifie sous ces formes très... Ça existait, oui. Oui, il y a la capacité de former le modèle d'une façon parfaite, mais dans la matière, c'est des processus plus longs, parce qu'il y a un processus de densification. Donc, le modèle existe en dehors du temps et de l'espace, puis il s'est progressivement densifié dans la matière, la cristallisation. De la même façon que l'ego sert de cristallisoire à l'intelligence universelle pour engendrer de la conscience, c'est pareil, les corps, tous les corps, la conscience, c'est un corps, Le mental, c'est un corps, bon, c'est les mêmes processus. C'est juste que ça change d'un plan à l'autre. C'est comme de l'eau. De l'eau, ça peut être dans l'air. De l'eau, ça peut être sous forme densifiée en glace. Ça peut être liquide. Ça peut. C'est pareil pour tout, tout. C'est un processus qui s'applique à tout. Donc, c'est pareil pour les corps. Parce que si on prend la glace, ben, c'est un corps. Mais la vapeur aussi, c'est un corps, mais plus éthéré. C'est des corps de l'eau. Mais bon, c'est pareil pour le reste. Je ne sais pas si c'est le même sentiment que moi, mais je suis dans cet état depuis l'adolescence, suite à des traumatismes. J'ai appris à vivre avec ces sentiments et voir le faux. Ouais, mais est-ce que c'est un sentiment, vraiment? C'est quoi un sentiment? C'est là, les formes, là. Puis souvent, bon, le traumatisme, lui, il va créer des congestions au niveau de l'âme, parce que c'est de l'expérimental traumatique. Donc, ça, c'est des blocages. Donc, oui, ça peut aider un temps à générer quelque chose. Mais faut pas, c'est supposé être intégré à un moment donné. Faut l'intégrer, l'expérimental. C'est là que la conscience, et on entre en expansion de conscience. Mais ça, Bernard en a pas mal parlé dans sa phase de la psychologie évolutionnaire. Puis, bien mieux que moi, là. Y a-t-il une signification derrière la déformation physique des mains? Non, c'est juste que c'est des représentations. C'est très complexe à représenter des mains parce que c'est très mécanique. L'âme, puis l'âme n'est pas aussi, pas nécessairement l'intelligence corporelle autant que, bon. C'est difficile de reconstruire des mains sur un plan plus subtil, qui est moins mécanique. Donc non, s'il y a des défauts, du fait que on essaie de recréer, inconsciemment, on recrée un plan dans un autre plan qui n'est pas le même plan. Donc c'est sûr qu'il y a des défauts. C'est sûr que ça va être difficile. Donc bon, c'est assez complexe une main, là. C'est mécanique, c'est très lié au corps matériel. Là, quand on tombe dans des plans plus subtils, c'est très difficile à reproduire. Donc, si on peut dire, comment je pourrais dire ça, le subterfuge prend moins, on voit les défauts, on voit les. Bon, comme dit, bon, le vrai sur mental, il faut ajouter vrai devant. Ben, c'est parce qu'il y en a qui parlent du surmental comme d'un plan, alors que c'est pas un plan. Puis, ils voient toutes sortes d'affaires dedans, du filage avec des ordinateurs, puis ils voient pas, c'est des projections, puis c'est de l'astralisation. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que le surmental, c'est pas ça. Il est pas, vous n'êtes pas supposé voir des affaires de Star Trek dans le surmental. Ça veut dire qu'il y a un parasitage, puis que c'est pas ça, là. Hein? Est-ce qu'on peut se comprendre dans sa tête, mais sans pouvoir le communiquer verbalement? Ben oui. Est-ce que la parole créative est pour tous? Ben, comment je pourrais dire ça? C'est comme quelqu'un qui fait bien à manger. Il peut faire bien à manger pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est capable de bien faire à manger. C'est un talent, si on peut dire. Mais c'est parce qu'avec la pratique, puis l'effort, puis la constance, ça peut se développer chez n'importe qui. Donc, mais là, ça dépend toujours, là. Mais est-ce qu'on peut quoi? Bon, tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a le minou? Quoi? Il est tanné, le minou, il veut que je fasse d'autres jours. Ah, oh, ça fait 1 heure. Ah bon, ok. Oui, à 10 minutes, ça sera pas long. Pour l'observation, l'intégration. Toujours par l'observation, l'intégration. Des fois, c'est par l'expérimental, mais c'est parce que c'est plus difficile. Ça va être plus rapide par l'observation que par l'expérimental. Donc, c'est ça, les mises en initiation. Il y a des gens, par l'observation, ils savent qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'ils fassent. Il y en a, juste par l'observation, il y en a d'autres, il faut qu'ils se mettent en initiation, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se mettent dans le trouble pour le voir. Il y a des gens, pour voir qu'il ne faut pas qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'ils le fassent. Il y en a d'autres, par l'observation, ils savent d'avance, puis ils ne le font pas. C'est pour ça l'intégration, ça dépend laquelle. Mais moi, je vous dis l'intégration par l'observation est préférable à l'intégration par l'expérimental. Même, vous pouvez apprendre les erreurs des autres par l'observation. Donc, ça peut éviter certains pièges. Donc, bon, là, j'ai de la lumière dans l'écran, je vois mal. Ah, merci, ben, merci à vous. Quand le programme est puissant, plus il est difficile et long à s'en dégager, on s'en aperçoit seulement après voir le délai. Au niveau là, de l'intégration, puis tous les délais sont censés se raccourcir de plus en plus. Puis bon. Bon, moi, je vais devoir cesser, là, ça fait 1 heure, là, le chat vient de me... Le chat m'a averti de ça. Peux-tu nous parler de ce qui existe en dehors de la matrice, peut-être qui surveille notre évolution, qui ont encore un corps? L'affaire de matrice, là, ça vient du gnosticisme, justement. Puis ça, c'est... moi, je vois ça comme, bon, l'affaire de matrice. Le plan matériel, c'est une densification. Comme le plan mental est aussi une densification, puis bon... Et ça, c'est de la multidimensionnalité. Au niveau du plan matériel, là, ce que le monde appelle la matrice, c'est un terminal de la multidimensionnalité. Puis c'est là que la job se fait. Vous ne pouvez pas entrer en évolution de conscience en dehors de l'incarnation. C'est pour ça, justement, que l'être humain il est jalousé, semble-t-il, par des êtres, justement, qui n'ont pas eu la capacité comme d'entrer jusque dans ce plan-là. Puis ils viennent paralyser, entre autres, le plan mental, ils viennent essayer de tirer. Donc, l'affaire, c'est de ne pas voir le plan matériel comme une matrice. De toute façon, c'est quoi une matrice? Une matrice, c'est un espace clos, mais nourricier pour quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est embryonnaire. Là, je suis d'accord que c'est une matrice à ce niveau-là. Donc, sommes-nous dans une simulation gérée par l'IA? Ben non, ça dépend, là. Quelqu'un qui est en psychose, il est dans... Oui, mais c'est pas de l'intelligence artificielle. Dans le sens que, c'est quoi entrer dans le réel? Quelqu'un qui entre vraiment dans le réel, il va être encore plus incarné, il va être encore plus dans la matière. Puis il va avoir encore plus la capacité d'être, par exemple, vous allez être plus habile manuellement, vous allez être moins malade. Donc, bon, la matrice, c'est parce qu'il y a une intégration du réel, ça va arrêter d'être contre vous. Parce, pourquoi c'est contre vous? Parce que justement, ça cherche à vous éduquer. C'est un peu comme le film hollandais Caractère, là, qu'un bonhomme, on dirait qu'il haït son fils, puis qu'il fait tout pour que son fils ait des problèmes tout au long de sa vie. Puis finalement, ce garçon-là finit par devenir un grand avocat. Il finit par devenir un grand homme. Hein? C'est pas parce que son père l'aimait pas. C'est parce qu'il avait compris quelque chose. Mais là, faut avoir du discernement. Là. Faut pas en martyrisant le monde qu'on les éduque. Mais il reste que pour ce qui est de l'expérimental, c'est un peu comme ça. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez? Merci à tous pour vos questions. Merci à ben de rien. Merci, Bertol, vos réponses. Bon courage. Ben, courage. Bon, ça va pas si mal. Hein? C'est une question de perception encore. Donc, bon, je vais arrêter la diffusion avant de plus voir du tout. Bon, ben, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Tu veux-tu dîner, Minou? Mmh.